Bonjour, voici donc les 13h31 minutes. Bienvenue à vous tous, à vous toutes, si vous prenez l'écoute. Et voici l'émission du vendredi après-midi. Et donc j'espère que pour vous tous c'est bien, toute la semaine s'est bien passée, ainsi que la matinée, et j'espère aussi en musique. Et donc la musique est toujours présente. Voilà, nous sommes ensemble avec les chansons pour faire tout simplement plaisir. Voilà, donc on va débuter l'émission avec, elle s'appelle tout simplement, eh bien, Jacqueline François, le titre Le Fiacre. Arc-en-ciel. Le Fiacre de Xanroff, histoire vraie. Un fiacre allait trottinant, carinca-hudia. Un fiacre allait trottinant, jaune avec un cocher blanc. Derrière les stores baissés, carinca-hudia. Derrière les stores baissés, on entendait des baisers. Puis une voix disant, Léon, carinca-hudia. Puis une voix disant, Léon, tu me fais mal, autant l'orignon. Un vieux monsieur qui passait, carinca-hudia, hop là. Un vieux monsieur qui passait s'écrie, mais on dirait que c'est ma femme avec un quidam. Carinca-hudia, hop là, ma femme avec un quidam. Il se lance sur le macadam, mais il glisse sur le sol mouillé, carinca-hudia, hop là. Mais il glisse sur le sol mouillé, crac, le v'là escrabouillé. Du fiacre, une dame sort et dit, carinca-hudia, hop là. Du fiacre, une dame sort et dit, oh chouette Léon, c'est mon mari. Y a plus besoin de nous cacher, carinca-hudia, hop là. Y a plus besoin de nous cacher, donne donc 100 sous à ce cocher. Un fiacre allait trottinant, carinca-hudia, hop là. Un fiacre allait trottinant, jaune avec un cocher blanc. Et puis je vous laisse avec Edith Piaf, avec Au bal de la chance. Le grand soleil joue aux boules avec les pommiers fleuris. Le bal devant l'eau qui coule rabâche des airs de Paris. Danse, danse au bal de la chance. Danse, danse ma rêverie. Elle est par à seul sur la berge en geste lent. Salut d'une révérence l'échalant, tandis qu'une fille danse dans les bras d'un marinier. Le ciel fait des imprudences, mais l'amour n'est pas le dernier. Danse, danse au bal de la chance, danse, danse au ciel printanier. Le vent tournant dans les feuilles des bosquets, avec le chant des pinsons fait des bouquets. Mais elle n'écoute guère que les mots de ce garçon. Des mots d'amour si vulgaires qu'ils font rire au ciel les pinsons. Danse, danse au bal de la chance, danse, danse avec ma chanson. Je pense encore à ce jour de l'an dernier. Sur mon épaule, mon rêve est prisonnier. Cela n'a ni queue ni tête, pourtant j'ai le cœur bien gros. Pour les marins en goguette, l'amour ça coule au fil de l'eau. Danse, danse au bal de la chance, danse, danse. Et puis voici donc Bourville avec Monsieur le Maître d'École. Monsieur le Maître d'École, vous souvenez-vous encore de moi, d'un petit garçon qui fut, je crois, pas toujours sage, d'un petit garçon qui a bien grandi et qui maintenant souvent se dit c'était le bel âge. Monsieur le maître d'école, moi je me souviens encore de vous, joujou, genou, caillou, bijou et toute la gamme. Géographie, récitation, histoire de France et rédaction. Oh, quel programme! Malgré le temps qui s'envole, il n'en est pas moins vrai que les souvenirs d'école ne s'oublient jamais. Monsieur le maître d'école, je n'oublierai jamais le jour. C'était pendant le dernier cours, dernier bagage, quand j'ai senti poser sur moi votre main qui me disait tout bas, fais bon voyage. Monsieur le maître d'école, y a pas à dire, ces moments-là, on y repense bien des fois. On se les rappelle et l'on est même tout étonné de ne jamais avoir donné de ces nouvelles. Malgré le temps qui s'envole, il n'en est pas moins vrai que les souvenirs d'école ne s'oublient jamais. La destinée un peu folle a fait de moi un député. Dans le pays, je suis invité comme un ministre. Je prends des airs de grand seigneur pour épater les électeurs que j'administre. Mais un jour, devant l'école, parmi la foule, vous étiez là. Vous m'avez dit, bonjour toi, ça me fait drôle. Je suis redevenu le petit gars. J'ai murmuré comme autrefois. Bonjour, monsieur le maître d'école. Arc-en-ciel. Les chansons souvenirs sont sur Arc-en-ciel 96.2, 96.2. Arc-en-ciel. Georges Guidori, Noce de diamant. De velours, corsage de soie, cotillon et bottillon et tourbillon de joie, violon et falbala, et hop là là, tu danses dans mes bras. La chaîne d'amour au rire léger, qui s'enroule, se déroule sous le marronnier, vient de nous montrer du doigt, et hop là là, nous mène au creux des bois. Amis, voici des bouquets de juillet. Quand tu fêteras tes noces de diamant, souviens-t'en, le soleil descend plus bas. Et hop là là, la lune est déjà là. Elle a mis le feu aux cœurs amoureux, cotillon et bottillon et tourbillon joyeux. Les étoiles font la loi. Et hop là là, nous ne dormirons pas. Mais pour que la nuit se repose un peu, les lanternes de la ferme fermeront les yeux, les violons perdront la voix, et oh là là, entends mon cœur qui bat. Amis, voici des bouquets de juillet. Quand tu fêteras tes noces de diamants, souviens-toi, souviens-toi de ce soir-là. Et hop là là, moi je n'oublierai pas. Tes yeux de velours, tes lèvres de soie, la caresse enchanterait ce que laisse ta voix. Quand je rêve, c'est de toi, et oh là là, avec la bague au doigt. Ami, voici des bouquets de juillet, quand nous fêterons nos noces de diamants, sûrement tu prendras encore mon bras, et oh, l'amour, l'amour nous mariera. Tra-la, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Et je vous laisse avec Miss Tinguette qui nous raconte tout simplement ses chics, les longs pantalons. Mmh. bravo. Mais la majorité homme, femme ou enfant trouvera vite dans la mode des bas d'éléphant. C'est chic, les longs pantalons qui vont le long des talons. Ça vous donne une silhouette admirable. À l'intérieur, messieurs, c'est confortable. Il y a la place pour deux ou pour trois. Et l'on n'est pas à l'étroit. C'est une mode vraiment agréable. C'est chic, les longs pantalons. Les hommes qui ne veulent pas faire comme nous et disent que notre genre manque de goût, nous ne leur prêterons pas nos pantalons un instant. Ils les rendraient pas car ils voudraient rester dedans. C'est chic, les longs pantalons qui vont le long des talons. Ça vous donne une silhouette admirable. À l'intérieur, messieurs, c'est confortable. Il y a de la place pour deux ou pour trois. Et l'on n'est pas à l'étroit. C'est une mode vraiment agréable. C'est chic, les longs pantalons. Elle s'appelle Lynn Viala et elle nous amène du côté de la Java avec la Java aux étoiles. Descend sur Paris, qu'aux ombres de la nuit s'accrochent les étoiles. Et quand l'araignée amour sur les cœurs alentours tisse sa rue d'étoiles. À l'heure où l'époux tremblant de la mariée en blanc déchire enfin le voile. De la Villette au boulevard, l'accordéon bavard lance de toutes parts. La Java du faubourg et jusqu'au fond des cours. La Java de l'amour sous la lune. La Java des bons mecs, œil de flamme et cœur sec. Qui la tourne avec leur chacune. La Java de l'oubli qui roule et qui finit au petit jour dans un lit de fortune. La Java sans façon qui donne le grand frisson à l'ison et aux mauvais garçons. Hop, sur le rythme obsédant, les filles et leurs amants se jettent dans la danse. Sous l'éclairage brutal, on voit tourner le bal comme une roue immense. Jalousie, bonheur, amour, tout y passe à son tour. C'est la roue de la chance. Et pour étouffer vos cris, voici cœurs incompris en un grand pot pourri. La Java des mordus, la Java des sordus, la Java des pendus sous la lune. La Java des pommiers, la Java des cavés, la Java des pommiers de la fortune. La Java des costauds et du bon populo qui semble aux aristos aux fortunes. Quand la sidette michée s'y déguise en fauché pour gâcher dans la rue des bouchers. Parfois, au creux de la nuit, on entend l'affreux cri d'une fille qu'on assassine. Là-bas, dans une rue sans nom, au silence profond, près d'une masure en ruine. La mort, ce triste passant, fit une fleur de sang à sa douce poitrine. Oh, cette âme qui s'éteint très doucement parvient et cause un bal lointain. La Java est vivante, qu'as-tu fait, mon amant? est-ce toi qui m'attends sous la lune? Mais la mort dit tout bas, je t'appelle, suis-moi, il faut franchir le pas sans rancune. Pauvre cœur arraché, si la vie t'a blessé, moi je viens te bercer trop en lune. Ici-bas, tout s'en va, viens la belle dans mes bras, une, deux, trois, en sentant la java. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Je vous laisse avec trois morceaux portugais et puis on te retrouve juste après. Pienso que lo mío no es realmente hablar, soy algo tímido como verás, pero esta vez me atreveré y lo diré. Que me tienes como loco enamorado, baby, la verdad es que tú me gustas demasiado, igual que lo demás yo te lo digo bailando, pégate, yeah, yeah. Y es que ahora ya no sales de mi mente, ando por aquí pensando en ti frecuentemente, será que lo que siento tú también por mí lo sientes, pégate, sabes que soy yo. alegría estaba en el fin. Parecía llegar con mi balançar y gustar sin mí. Mas por morir, tem que ser pequeno. Que sai balançar para me provocar e deixar-me assim. Meu Deus, eu sou maluco, sou louco por mulher. Entro na brincadeira quando ela quiser. Meu Deus, eu sou maluco, sou louco por mulher. Entro na brincadeira quando ela quiser. Tiro-lhe a prova até desmaiar. Mas que confusão, o meu coração não vai aguentar. Mas se for melhor, hey! E que traga nota, oh! Isso se ainda fica bem ou bonito, eu irei cantar. Meu Deus, eu sou maluco, sou louco por mulher. Entro na brincadeira quando ela quiser. Meu Deus, eu sou maluco, sou louco por mulher. Cadeira quando ela quiser. Hey! Oh! Meu Deus, eu sou maluco, sou louco por mulher. Entro na brincadeira quando ela quiser. Meu Deus, eu estou maluco, sou louco. Por mulher, entro na brincadeira quando ela quiser. Meu Deus, eu sou maluco, sou louco por mulher. Entro na brincadeira quando ela quiser. Meu Deus, eu sou maluco, sou louco por mulher. Entro na brincadeira quando ela quiser. Não. aussi. Arc-en-ciel. Retour avec sur les chansons. Et voici donc qui vient Maurice Chevalier avec le chapeau de Zozo. En voyage ou au cinéma, vous avez vu l'Himalaya, l'Acropole et Pompéi, l'Espagne au ciel fleuri. Vous avez vu Londres et ses Miss, Bruxelles et son mannequin Peace, jusqu'aux îles Hawaï, c'est beau, très joli. Mais tout ça, voyez-vous, ce n'est rien, monsieur, rien du tout. Je connais beaucoup mieux. Avez-vous vu le nouveau chapeau de Zozo? C'est un chapeau, un papeau rigolo. Sur le devant, on a posé trois plumes de paon. Et sur le côté, un amour perroquet. Pour être original, il est, ça je vous le jure, ce n'est pas le pipi de n'importe qui. À le voir si beau, tout Paris répétera bientôt. Avez-vous vu le chapeau de Zozo? À première vue, il surprend, il est un peu extravagant. Ne dites pas que je vous l'ai dit, il sort chez Monoprix. Aussi, quand je passe à son bras, on fait « Oh, oh, on fait ah, ah, mais croyez bien que j'en suis pas plus fier pour cela. » Mais depuis, dans mon quartier, ce n'est plus qu'un cri. Tous les gens parlent de lui et l'on dit. Avez-vous vu le nouveau chapeau de Zozo? C'est un chapeau, un papeau rigolo. Sur le devant, on a posé trois plumes de paon. Et sur le côté, un amour de perroquet. Pour être original, il laisse, ça je vous le jure, ce n'est pas le pipi de n'importe qui. À le voir si beau, tout Paris répétera bientôt. Avez-vous vu le chapeau de Zozo? Je lis dans vos yeux une question. Pourquoi donc tant d'admiration? Pourquoi tant d'amour enfin pour ce petit galura? Je vais vous expliquer le pourquoi. Lorsque pour la première fois elle vint à mon rendez-vous, elle l'avait, c'est tout. En le voyant, j'ai reçu un grand coup au cœur. Et depuis, ben, il est tout mon bonheur. Original, il laisse, ça, je vous le jure, ça n'est pas le pipi de n'importe qui. À le voir si beau, tout Paris répétera bientôt. Avez-vous vu le chapeau de Zozo? Il s'appelle Henri Gara. Henri Gara avec J'aime les femmes. Je fais passer à vos yeux pour le dernier des messieurs, le garçon le plus immonde, le plus dégoûtant du monde. Vous allez me juger mal et me trouver anormal. Vous direz quel goût étrange, quelle boue et quelle fange. Même si l'on m'en veut, j'en fais l'aveu. J'aime les femmes, j'aime les femmes. Voilà mon vice, ma faiblesse et mon défaut. J'aime les femmes, j'aime les femmes. Ça peut paraître singulier, mais il m'en faut. Je sais qu'on blâme ceux de nos jours qui sont pour femmes. Moi je suis pour, oui, je suis pour. Je suis pour femmes, car sans les femmes, je ne pourrais jamais faire l'amour. Pour elle déjà en pension, j'avais cette propension. On m'a même, vous le dirais-je, renvoyé de trois collèges. On me fit nommer au bâti, en plaçant près de mon lit, pour que je rentre dans la norme de jeunes gens sans uniforme. Ces jeux de collégiens ne me disaient rien. Avec Katharina Valente qui fait bon vivre. Qu'il fait bon vivre quand on revient chez soi, que l'on revoit le toit où vous attend la joie de vivre. Les amis d'autrefois, bonjour, me revoilà. Sur les chemins, par le monde, j'ai navigué longtemps avant de m'apercevoir que notre terre était ronde comme un ballon d'enfant. Je reviens au départ. Qu'il fait bon vivre quand on revient chez soi, que l'on revoit le toit où vous attend la joie de vivre. Les amis d'autrefois, bonjour, me revoilà. Pabida, pabiduba, pabida, pabiduba, pabidubnubia, badabadabudi. Pabida, pabiduba, tatadubnubabidubida. Mon cœur est tout en émoi. Je vois combien j'étais bête. Je comprends tout le prix de mon amour pour toi. Qu'il fait bon vivre en revenant chez moi. J'ai retrouvé mon toit. J'ai retrouvé la joie de vivre. Après tant de détours, j'ai retrouvé l'amour. J'ai retrouvé la joie de vivre. J'ai retrouvé l'amour, l'amour, l'amour, l'amour. Arc-en-ciel. Les chansons souvenirs sont sur Arc-en-ciel. 96.2, 96.2. Arc-en-ciel. Bonjour à tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Retour avec, bien sûr, les chansons. Et voici, elle s'appelle Danielle Rouille. Et le titre pour ton mariage. Il y aura tous tes parents, tes amis. Et ce jour-là deviendra le plus beau jour de ta vie. Pour ton mariage, il y aura tant de guirlandes de joie que le bonheur volera au loin par-delà les toits. Et la fanfare du pays, en marquant la cadence, te conduira vers la mairie sous un ciel d'espérance. Et la jeunesse, tambour battant, défilera dans les rues. En chantant qu'ici l'on n'aura jamais vu. Pour ton mariage, il y aura dans l'église ensoleillée un orgue blanc qui jouera ta musique préférée. Pour ton mariage, il y aura des milliers de fleurs, des champs que le printemps sèmera sous tes pas en souriant. Toutes les cloches du village porteront la nouvelle à tous les gens du voisinage jusqu'en chaque ruelle. Tous en chœur nous chanterons que la mariée est belle. Et l'on boira plein tonneaux jusqu'à la nuit sous les tonnelles. Pour ton mariage, il y aura sous les lampions un grand bal. Où tu danseras dans les bras d'une autre et j'aurai si mal. Que la musique cognera grand coup au fond de moi. Et quand la lumière baissera, s'éteindra en mon cœur cette fanfare. Colette Dorial, quand nous étions écoliers. Quand nous étions écoliers, toi et moi, nous partagions nos secrets et nos joies, notre réglisse et notre chocolat. Quand nous étions écoliers, tout au fond d'une cachette, il y avait marqué Jean-François aime Jeannette, ils vont se marier. Ce serment, nous l'avions oublié depuis longtemps, car nous n'étions alors que deux enfants que la vie a séparés. Mais plus tard, j'ai eu la chance de te retrouver. C'est le vœu de notre enfance qui s'est réalisé. Car voilà que toutes les cloches sonnent leur joie pour bénir un amour qui commença. Quand nous étions écoliers, Jean Berriac. Le petit vélo. Faisais faisais pas grand chose tout au long de la semaine. Y a guère que dimanche que je peux travailler. Je cours les lapins des amours en flemme et je pêche les grenouilles près des bénitiers. On m'a toujours dit que j'avais la tête vide. J'y suis monté voir, c'est bien poussiéreux, mais je viens d'y trouver dans un coin humide pour me promener un truc merveilleux. J'ai un petit vélo qui tourne dans ma tête et qui ne veut jamais, jamais s'arrêter. Il est pas en joie comme un jour de fête et il veut toujours, toujours m'emmener. C'est un petit vélo qui est toujours en fête et lorsque je veux partir me promener, je ferme les yeux, je penche la tête et le petit vélo se met à tourner. Un jour il m'emmène à travers la campagne, un jour il s'arrête tout émerveillé. Et avec une fleur en haut d'une montagne, et on restait là rien qu'à la regarder. Je roulais dans mes doigts mon petit béret timide, et je ne savais pas quoi lui proposer. Je savais pas quoi faire, je savais pas quoi dire, lorsque tout à coup j'ai eu une idée. J'ai un petit vélo qui tourne dans ma tête, si vous voulez bien, qui va vous emmener. On fera tous les deux le tour de la planète, et plus loin encore si vous le voulez. On a fait 100 fois le tour de la Terre, tous les deux perchés sur le petit vélo. On s'était juré pour ne pas se perdre, de fermer les yeux car on s'aimait trop. Mais quand j'ai voulu regarder de Marguerite, près de mon petit vélo il n'y avait plus rien. Je me suis retrouvé seul, tout seul et tout triste. Et depuis ce jour-là, ça ne va plus très bien. J'ai un petit vélo qui tourne dans ma tête et qui ne veut jamais, jamais s'arrêter. Il est peint triste comme un jour de fête, mais il ne veut jamais, jamais m'emmener. Et ce petit vélo qui tourne dans ma tête, j'ai dû taper dessus pour le démonter. Je l'ai mis au garage de ma petite planète, attendant un ange pour le réparer. Mais depuis ce jour-là, faut pas croire qu'il dorme, car lorsque je rencontre une fleur d'été, sans que je dise rien, les morceaux se recollent et mon petit vélo se met à tourner. J'ai un petit vélo qui tourne dans ma tête. J'ai un petit vélo qui tourne dans ma tête. Il est en joie comme un jour. Arc-en-ciel. Les chansons souvenirs sont sur Arc-en-ciel 96.2 96.2 Arc-en-ciel. André Claveau lit Pleuf Bergère. Tes volants moutons, allons sous ma chaumière, bergère vite allons. J'entends sous le feuillage l'eau qui tombe à grand bruit. Voici, voici l'orage, voilà l'éclair qui luit. Entends-tu le tonnerre? Il roule en approchant. Prends un abri, bergère. à ma droite en marchant, je vois notre cabane, et tiens, voici venir ma mère et ma sœur Anne, qui vont l'étable ouvrir. Bonsoir, bonsoir, ma mère, ma sœur Anne, bonsoir. J'amène ma bergère près de vous pour ce soir. Va te sécher, ma mie, auprès de nos tisons. Sœur, fais-lui compagnie. Entre petits moutons. Maria Candido, le titre J'aime la pluie. Le ciel ce soir est nuageux. Avec moi, bien loin d'ici, dans une île de joie. Comme il est doux d'être mon ami, quand se ferme sur nous le rideau de la pluie. Le vent dehors, il veut entrer. On va faire un petit tour d'automne avec Damia, le titre Tourbillon d'automne. Il pleut de l'automne. tourbillonne, tourbillonne, comme autant de regrets. Au lointain, la cloche tinte, et je songe à nos étreintes, à ces beaux jours sans crainte, on s'aimait, oui, on s'aimait. Un jour, tu repris ta route dans un adieu éperdu. Et depuis ce temps, j'écoute monter les bruits inconnus. Mais soudain, l'orage crève dans la pluie tombant sans trêve. J'entends comme dans un rêve, jamais plus, jamais plus. Maintenant, c'est la nuit, et j'entends le vent qui gémit. Demain, dès le réveil, j'attendrai en vain. D'attendre le passé vient me reprendre et je crois que c'est vrai. C'est l'amour qui recommence, le printemps qui danse, danse, les lilas qui se balancent et je te sens là tout près. C'est bien ton bras qui m'enlace, c'est bien tes yeux éperdus, et nous retrouvons nos traces au fond du sentier perdu. Mais je n'entends plus personne, et les feuilles de l'automne tourbillonnent, tourbillonnent, jamais plus, jamais plus. Arc-en-ciel. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-ciel. Il s'appelle Philippe Clay, 14 juillet. Au petit bal du carrefour, il y a de la joie qui bouge et qui danse tout autour des lampions bleu, blanc, rouge. 14 juillet, au petit café tabac, la chanson du bastringue. Ah, comme un je ne sais quoi que l'on déguste aux zingues. 14 juillet, il y a quelque chose d'ému dans le regard des filles. Et bien entendu, ce soir-là, leur vertu se défend moins que la Bastille. 14 juillet, quand parfois s'attendrit l'accordéon canaille. Dans tous les coins de Paris, il y a de l'amour qui tressaille. C'est la nuit chaude et sans cravate. C'est la nuit où l'on ne dort pas. Dans la rue, on traîne ses savates. Il est gratuit le cinéma. 14 juillet, on vous sert des tombeaux sur tréteau à musique. Il y a de la bière à gogo et de la nuit poétique. 14 juillet, on se trémousse à deux mains et on gage de pied ferme, sans penser que le lendemain faudra payer son terme. 14 juillet, le feu d'artifice alors dans le ciel qui se dévoile, vient fleurir encore, il y a du technicolore dans les gerbes d'étoile. 14 juillet, tout un peuple à grand bruit, les garçons et les filles prient et dansent toute la nuit à s'en faire mal aux chevilles. Et vive la République, on a pris la Bastille. Voici Saint Granier et le titre, il était en pyjama. C'est la mode de nos jours sur toutes les places. C'est vraiment un concours de déshabillage. L'autre jour à jouant les pins, je fus au mariage. D'un de mes vieux copains, je mis mes escarpins. J'étais en habit ganté, mais quand je vis les invités, ils étaient en pyjama. Pensez si ça m'assomma. Le papa en pyjama, venant de Yokohama. La maman en pyjama, ressemblait au grand lama. Grand-père en pyjama, découvrait un eczéma. J'étais épaté quand je vis arriver des demoiselles d'honneur en culottes à fleurs. Et puis les époux en pyjama, très flou. Quand tout fut préparé, on vit s'avancer le curé. Il était en pyjama, surmonté d'un panama. Le bedeau en pyjama ressemblait à la Fatma. Puis un Suisse en pyjama me tapa du Maxima. Voyez le panorama, ils étaient en pyjama. Le soir même, drame affreux, Gendre et la belle-mère se disputaient entre eux de façon princière. Sur elle, le jaune furieux cassa la soupière. Elle cria tellement qu'immédiatement les gendarmes sont accourus, mais au stupeur qu'il l'eût cru, ils étaient en pyjama réséda, et le brigadier coquet en rose avec des bouquets, puis un commissaire sur vin en pyjama de chez Lanvin. Ça me re-assomma, ils étaient en pyjama. L'affaire fit du bruit et le lendemain, on vit un juge sévère en pyjama vert. Dieu qui a pas pris, va en pyjama tabac. Puis le gouvernement, Chéron, Loucheur et Brillant, ils étaient en pyjama, c'est fou ce qu'on les acclama. Et Chéron en pyjama, que de cœurs il enflamma. Le midi s'illumina et quand Doumergue arriva, tout le monde l'acclama, il était en pyjama. Et je laisse avec Marie-France, Marie-France avec son titre « Quand vient le 1er janvier ?» C'est l'hiver qui les dessine. Y'a des nez qui s'illuminent quand vient le 1er janvier. Dans un caniveau, y'a de la glace. Y'a plus personne aux terrasses. Au cinéma, y'a plus de place quand vient le 1er janvier. Y'a les cadeaux de la marraine. Y'a les oies qui sont bien pleines de marrons appelés châtaignes quand vient le 1er janvier. Les grands cierges sont immables. Le froid est très supportable. On reste des heures à table quand vient le 1er janvier. Poignée de main chaleureuse. amuse. On se la souhaite bonne et heureuse. On embrasse des joues frileuses. Quand vient le 1er janvier, on s'envoie des cartes postales, des photos de la capitale ou d'une vieille ville provençale. Quand vient le 1er janvier, on vous donne dans les boutiques des calendriers pratiques qu'on égare d'ailleurs bien vite avant le 1er janvier. Il y a des huîtres aux étalages, du soleil derrière les nuages, des clochers dans le paysage quand vient le 1er janvier. On aime aider les copains, leur donner un petit coup de main, les inviter gentiment au 1er janvier seulement. Quand les hommes voudront s'aimer, il leur suffira de laisser leur petit calendrier ouvert au 1er janvier. Arc-en-ciel. Nicolas sur Arc-en-Ciel. De génération en génération, des chansons souvenirs avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel. não me conheces. Será verdade que eu mudei tanto assim? É pois por isso que tu nem sequer me olhas, quando às vezes na rua passas por mim. Mas por favor, não digas que já esqueceste esses momentos que nós dois juntos passamos. Se o disseres, com certeza estás mentindo, pois não se esquece alguém que um dia amamos. Eu não me esqueço de ti nem um só momento. Esta saudade que eu sinto não tem fim. Quero dizer-te quanto ainda te amo, mesmo sabendo que já não gostas de mim. E às vezes no amor isso é assim. Não penses que vais encontrar facilmente alguém que saiba amar-te como eu te amei. Um dia vais com certeza arrepender-te por não teres querido perdoar-me quando errei. Eu não me esqueço de ti nem um só momento. Esta saudade que eu sinto não tem fim. Quero dizer-te quanto ainda te amo, mesmo sabendo que já não gostas de mim. Sem você eu fico perdido. perdida, não dá pra esquecer. Você é aquele meu mundo e é parte de mim. Não dá pra viver sem sentido. O amor é assim. Tudo que eu quero. Sem você eu fico perdida. Não dá pra esquecer. Você é aquele. Les chansons souvenirs sont sur Arc-en-Ciel 96.2 96.2 Arc-en-Ciel. S'éclaire soudain le soleil, elle a pour ça. Tous les marronniers se sont rhabillés, le printemps, elle a pour ça. Le long des boulevards, on flâne au hasard, le dimanche, elle a pour ça. Tout semble être en fête, les femmes sont bien faites, leur guêpière, elle a pour ça. Chaque homme se sent le cœur frémissant devant ses beaux yeux qui se promènent. Le moindre passant se prend pour Don Juan, pour peu qu'une jupe l'entraîne. D'abord il la suit et puis il lui dit tous les mots qu'on dit pour ça. Ça rend quelquefois ou bien ça ne rend pas, faut pas vous vexer pour ça. Mais si tout va bien, prenez-lui la main, votre main, elle a pour ça. Afin de la distraire, dites-lui quelques vers, la Martine, les filles pour ça. Jouez le grand jeu, mentez tant que ça peut, tous les hommes sont forts pour ça. Et pour la guichet, emmenez-la guincher, elles sont toutes d'accord pour ça. Et dans les flonflons de l'accordéon, le même désir vous enlève. Ça lèvre si près que sans le faire exprès, elle vient se poser sur vos lèvres. Quand on perd la tête un soir aux musettes, bien souvent on ne perd pas que ça. Mais tout s'arrangera sans mal ni tracas, car l'amour est là pour ça. Comme un bouquet vers les nuages, vous tourbillonnez dans l'orage. Feuilles d'automne, feuilles d'automne, dans mon cœur chantaient bien des rêves, de jolis rêves qui s'achèvent. Feuilles d'automne, regardons votre pauvre arbre dénudé, je pense alors à mon amour déraciné et fané. Feuille d'automne, dans une dernière caresse, le vent vous berce et vous disperse. Feuille d'automne, à ma fenêtre un vol éclaque, et dans la rue pleine de flaques, je regarde tomber la pluie, pensant à l'été qui s'enfuit. Feuille d'automne, comme un bouquet vers les nuages, vous tourbillonnez dans l'orage. Feuilles d'automne, feuilles d'automne, dans mon cœur chantaient bien des rêves, de jolis rêves qui s'achèvent. Feuilles d'automne, regardons votre pauvre arbre dénudé, je pense alors à mon amour déraciné et fané. Feuilles d'automne, dans une dernière caresse, le vent vous berce et vous disperse. Feuilles d'automne. Vas-y, envoie la musique. Vas-y, allume les lampions. Secoue le piano mécanique, ce soir je veux de la chanson. Tant pis pour ceux qui soupirent, tant pis pour les amoureux. D'ailleurs, ils n'ont rien à se dire, ça vaut sûrement mieux pour eux. Vas-y, envoie la musique, vas-y, secoue l'instrument. Mets-nous n'importe quelle musique, pourvu que ça fasse du boucan. Vas-y, envoie toute la gamme, et puis débouche le vin blanc. Ce soir j'ai du vague à l'âme, ce soir ça fait juste un an que l'on m'a dit, c'est toi que j'aime. Que l'on m'a dit, c'est pour la vie. Vas-y, envoie la musique, vas-y, allume les lampions, mets le feu à toute la boutique. Ce soir, faut des sensations, bien mieux que leur son et lumière. Première et dernière fois, ce sera l'histoire tout entière d'un soir qui n'est plus qu'à moi. Vas-y, envoie la musique, au diable les économies, c'est pour un gala unique. Je veux que ça fasse du bruit, ça se fête un anniversaire, et j'ai voulu le fêter, pour autant depuis l'année dernière, je suis seul à me rappeler que l'on m'a dit, c'est toi que j'aime, que l'on m'a dit, c'est pour la vie. Vas-y, envoie la musique, plus fort il y en a pas assez. Vas-y, envoie la musique, ce soir, je ne veux plus penser. Voilà, tout simplement, Charles Dubon. Et puis donc, eh bien, je vous laisse tout simplement avec John Williams, L'Orage. Mauvais présage, un gros nuage va faire tomber sur nous l'orage du ciel. Les oiseaux tremblent et se rassemblent pour fuir bien loin, loin de l'orage du ciel. La terre est longue, tombe dans l'ombre, voici le monde plongé dans la nuit. Un gros nuage va faire tomber sur nous l'orage du ciel. Jusqu'à ce jour, nous avons su garder ce grand amour qui nous était donné. Ce soir, le feu épargnera encore le nid heureux qui protégeait. Laissons passer le vent d'orage sur nous. C'est le bon Dieu qui joue avec le feu. Il ne veut pas te séparer de moi. Regarde au loin cet arc-en-ciel joyeux. Soleil revient, repeint de tout en bleu. Tout recommence. Espérance, puisque là-bas, l'orage s'en va. Arc-en-ciel. Voici donc Fred Addison, à quoi le tour ? À qui le tour ils vont arriver, ah grand Dieu, quelle animation! Le village est en ébullition. Bonnets de papier, sandales et tabliers noirs. Les enfants se bousculent pour que les voir. Les pompiers font la chaîne avec monsieur le percepteur. L'adjoint, le curé, l'instituteur. C'est un jour de gala, quel chahut, quel brouhaha. Impatient, trépignant, en chantant les attendants. À qui le tour, à qui le maillot jaune. On se passionne dans les faubourgs. Employés par l'ardeur de la lutte, on se dispute à qui le tour, mais toujours on commente les chances. L'équipe de France, la nuit, le jour, avec amour, on entend la chanson de Charles Villaluchon. À qui le tour, à qui le tour. C'est aussi ça. De leur voix d'océan. cœur en joie, tous les danseurs adorent ça. Le Madison, pour les dames balusettes, il fait voler les jupettes. Le Madison, c'est un petit air très sympa, je suis sûr qu'il vous plaira. Le Madison, et bien sûr la prochaine fois, vous chanterez avec moi. Le Madison. Il fait voler les jupettes. Le Madison, c'est un petit air très sympa, je suis sûr qu'il vous plaira. Le Madison, et bien sûr la prochaine fois, vous chanterez avec moi. Le Madison. Retour avec les chansons et voici Germaine Montero, chanson pour les enfants l'hiver. Galope un grand homme blanc, galope un grand homme blanc. C'est un bonhomme de neige avec une pipe en bois. Un grand bonhomme de neige poursuivi par le froid. Il arrive au village, il arrive au village. Voyant de la lumière, le voilà rassuré. Dans une petite maison, il entre sans frapper. Dans une petite maison, il entre sans frapper. Et pour se réchauffer, et pour se réchauffer, s'assoit sur le poêle rouge et d'un coup disparaît. Ne laissant que sa pipe au milieu d'une flaque d'eau. Ne laissant que sa pipe et puis son vieux chapeau. Blanche-Neige, neige blanche, toi qui tombes du ciel gris. Blanche-Neige, neige blanche, je t'en prie. Neige, neige blanche, ni tu ne veux pas tomber. Blanche neige, neige blanche, sur les bois et sur les prés. Ce dimanche, tout au long de la journée, blanche neige. Blanche, je n'aurai plus qu'à pleurer. Voici la prière qu'un jeune montagnard au seuil de l'hiver chantait plein d'espoir. Et comme un appel, ce chant de Noël s'envolait joyeux vers le ciel. Juste un instant, vous avez pu entendre Lisette Jambel avec son titre, tout simplement Blanche Blanche. Voici donc Charles Trenet, il y a de la joie. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle. C'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Le gris boulanger bat la pâte à plein bras. Il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas. comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu. Miracle sans nom, à la station Javel, on voit le métro qui sort de son tunnel, grisé de soleil, de chansons et de fleurs. Il court vers le bois, il court à toute vapeur, et y a de la joie. La tour Eiffel part en balade comme une folle. Elle saute la Seine à pieds joints, puis elle dit: tant pis pour moi si je suis malade, je m'embêtais toute seule dans mon coin. Et y a de la joie. Le percepteur met sa jaquette plie boutique et dit d'un air très doux, bien le bonjour. Pour aujourd'hui, fini la quête, gardez tout, messieurs, gardez tout. Mais voilà que soudain, je m'éveille dans mon lit. Donc j'avais rêvé, oui, car le ciel est gris. Il faut se lever, se laver, se vêtir et ne plus chanter si l'on n'a plus rien à dire. Et je crois pourtant que ce rêve a du bon, car il m'a permis de faire une chanson. Chanson de printemps, chansonnette d'amour, chanson de 20 ans, chanson de toujours. Et y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles. Y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit. Y a de la joie, et du soleil dans les ruelles. Y a de la joie, partout y a de la... Tout le jour mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour, bonjour les demoiselles. Y a de la joie, partout y a de la joie. Avec Fernandelle, son titre elle fait dit la la la. Arc-en-ciel. Il y a des hommes dont le rêve en somme et d'aimer une femme pour sa pomme. Moi je m'en balance, et quand j'y pense, dans le sesque faible ce qui est mon fort, c'est une sportive, bien en chair, bien en muscle, une femme costaud avec des gestes brusques. La mienne est un petit trésor qui a les épaules en coffre-fort, mais ce qu'il y a de mieux encore, elle fait de la bibibi, de la bicyclette, ma petite Antoinette. C'est mieux que la caca-caca, la canariette, et ça fait mon bonheur. Elle commence en douceur, mais ça vient de la fureur, quand elle le met pleine d'ardeur, de la vapeur. Elle fait de la bibibi, de la bicyclette, et ça fait mon bonheur. À la Bastille, la femme torpille, lève un pavé comme une lentille. J'ai vu à Tarbes une femme à barbe avaler des lames de poignard. J'ai vu un jour une femme élastique se tirer les joues pour s'en faire une tunique. Mais moi, de la femme lézard, de la femme serpent, de la femme canard, j'aime mieux Antoinette car elle fait de la bibibi, de la bicyclette, ma petite Antoinette. C'est mieux que la caca-caca, la quadrillette, et ça fait mon bonheur. Elle commence en douceur, mais ça vient de la fureur, quand elle met pleine d'ardeur, de la vapeur. Elle fait de la bibibi, de la bicyclette, et ça fait mon bonheur. Rien ne me chagrine, elle me fascine, car pour l'amour, cette coquine est vaporeuse et enjôleuse, car dans la gamme des voluptés, elle bat les records, jamais une défaite. Quand nous montons le soir dans sa chambrette, elle m'embrasse en tapant des pieds, me griffe les yeux, me mord le nez, mais au moment de se distinguer, elle fait la bibibi, la bicyclette, ma petite Antoinette. C'est mieux que la caca-caca, la quadrillette, et ça fait mon bonheur. Elle commence en douceur, mais ça vient de la fureur, quand elle est pleine d'ardeur, de la vapeur. Elle fait de la bibibi, de la bicyclette, et ça fait mon bonheur. commence en douceur, mais ça vient de la fureur, quand elle met blême d'ardeur de la vapeur. Elle fait de la bibibi, de la bicyclette, et ça fait mon bonheur. Voici Léo Marjan, l'arc-en-ciel. Amour ardent et presque irréel. Vers lui je voudrais partir avec vous, car tout y paraît plus charmant, plus clair et plus doux. Adieu chagrin, tristesse, adieu, c'est comme un nouveau paradis de rêve. Ses couleurs ont à mes yeux l'éclat d'un bonheur merveilleux, changeant sans trêve. Après l'orage viennent les beaux jours, après les larmes d'un instant reviendra l'amour. Au même endroit, peut-être un jour, j'attendrai ton retour, guettant malgré moi l'accent familier de ta voix. Bientôt plus loin iront tes pas, tu ne reviendras pas, on veut désormais rester seul à tout jamais. La parole est lentement l'arc-en-ciel, pareil à notre amour ardent et presque irréel. Plus clair et plus doux. Adieu chagrin, tristesse, adieu, c'est comme un nouveau paradis de rêve. Et ses couleurs ont à mes yeux l'éclat d'un bonheur merveilleux, changeant sans tout rêve. D'un instant reviendra là. Et je vous laisse avec Patachou. Et je me dis, mon Dieu, mais c'est magnifique, tant de bleu. Lorsque je lève les yeux, je rencontre tes yeux. Et je me dis, mon Dieu, c'est vraiment merveilleux. Bleu. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Plus blond que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer même le blond des blés. Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août ne peut être plus doux. Plus fort que mon amour pour toi, la mer même en furie ne s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Si un jour tu devais t'en aller, me quitter, mon destin

en pleine forme. Eh bien, on continue. Alors, pour les amateurs de belles samusettes, oui, en voici quelques-unes de chouettes. Oh, reproche. Oh. Et bien donc avant de continuer l'émission avec, après on écoutera Georges Brassens avec Tonton Estor, voici donc la grille des programmes pour ce soir et ainsi pour demain. Voilà donc à partir de 17h jusqu'à 19h, vous allez retrouver Manu pour l'émission Découverte, juste après entre 19h et 22h avec Albino pour l'émission Marika. Et puis demain, à partir de 9h jusqu'à midi, vous allez retrouver Christine avec Fortian Noucourésien. Et puis dans l'après-midi, à partir de 15h, 18h, avec Rude André. Et puis après, pour le dimanche matin, entre 8h jusqu'à 10h, avec Antonio, l'émission Cantal de Gallo. Et puis entre 10h jusqu'à 12h30. Le téléphone sonne entre 10h et 12h30 avec Jérôme et Lionel. Donc c'est à vous de faire l'émission, de choisir les chansons que vous voulez écouter. Puis après, ben, juste après, à partir de 12h30 jusqu'à 16h, eh bien, vous pouvez me retrouver pour l'émission L'accordéon musette. Donc on continue bien sûr avec les chansons, voici donc Georges Brassens. Tonton Nestor, vous eûtes tort, je vous le dis tout net, vous avez mis la zizanie aux noces de Jeannette. Je vous l'avoue, tonton, vous vous comportâtes comme un mufle achevé, rustre fiefé, un homme du commun. Quand la fiancée, les yeux baissés, des larmes pleins les cils, s'apprêtait à dire ouida à l'officier civil. Qu'est-ce qui vous prie, vieux malappris, d'aller sans retenue faire un pinson cruel en son éminence charnue? Se retournant incontinent, elle souffle ta flic-flac. Le garçon d'honneur qui, par bonheur, avait une tête à claque. Mais au lieu du oui attendu, elle s'écria « Maman !» Et le maire lui dit « Non, mon petit, ce n'est pas le moment. » Quand la fiancée, les yeux baissés, d'une voix solennelle, s'apprêtait à dire « Ouida, par devant l'Éternel. » Voilà mes chefs, que de rechef vous osâtes porter votre fichue patte crochue sur sa rotondité. Se retournant incontinent, tel mouchal de nez d'un enfant de cœur qui par bonheur était enchiffrené. Mais au lieu du oui attendu de sa pauvre voix lasse, au ton suré, désemparé, elle a dit merde hélas. Quoi qu'elle usa, qu'elle abusa du droit d'être fessu, en la pinçant, mauvais plaisant, vous nous avez déçus. Aussi ma foi, la prochaine fois qu'on mariera Jeannette, on se passera de vous, tonton, je vous le dis tout net. Arc-en-ciel. Nicolas sur Arc-en-Ciel. Voici Colette Renard, ça c'est de la musique. De la vraie musique, Alors là, pardon, moi je dis chapeau, ça c'est champion. Écoute-moi cette air-là, hein, qu'est-ce que tu me dis de ça? C'est pas du bidon, ni de la guimauve, minute papillon. Ça c'est de la musique, de la vraie musique. Et là-dedans, tu sais, fais-moi confiance, moi je m'y connais. Sans être musicien, tu le sens, t'en sais pas bien. Écoute-moi ce final original, ça gagne de soin de soin. Ça c'est de la musique, de la vraie musique. C'est pas du Rimsky, du Korsakov ou je ne sais qui. Ou un truc de coton qui te file un coup de bourdon. Une envie de bailler et la migraine par-dessus le marché. Non, non, non, non, ça c'est de la musique, de la vraie musique. Moi quand j'entends ça, j'en prends un coup, ça se commande pas. Tais-toi, ne dis rien. Et puis écoute bien, c'est le même final aussi génial, t'as qu'à d'autres soins de soin. Ça c'est de la musique, de la vraie musique. Oh évidemment je sais bien, c'est un peu compliqué, mais enfin je vais essayer de t'expliquer. Tu vas voir, ça va être facile. C'est comme toi, et puis c'est comme moi, c'est de la haute fidélité. Moi, ça me donne envie de danser et de chanter. Allez, allez, allons-y, on va recommencer. Ça, c'est de la musique, de la vraie musique. Alors là, pardon, moi, je dis chapeau, ça, c'est champion. Écoute-moi, cette air-là, hein, qu'est-ce que tu me dis de ça? C'est pas du bidon, ni de la guimauve, ni de papillon. Ça, c'est de la musique, de la vraie musique. C'est un truc français, on est des lions et je m'y connais. Les Américains, et tiens, même les Cubains. À côté, c'est rien, ça fait de l'effet parce que c'est typique. Seulement tu permets, et t'as gagné de soin de soin. Ça, c'est de la musique. Mais je vous laisse avec Joséphine Baker, dis-moi Joséphine. Dites-nous Joséphine, puisqu'on te revoit, charmante et divine. Dites-nous Joséphine, quel est cet témoin qu'en toi je divine? Quelle joie pour moi de revenir et de retrouver mes souvenirs. Dites-nous Joséphine, oui dites-nous pourquoi ton cœur s'illumine. Dites-nous Joséphine, si comme autrefois Paris te fascine. Vous le voyez bien par mon retour, la France est toujours idéal séjour, aura mon amour. Lorsque je reviens de voyager à l'étranger, j'avais peur de voir un Paris tout changer. Et pourtant j'ai retrouvé chez vous l'accueil si doux et la gentillesse qui m'a touché avant tout. J'ai revu ce montmartre charmant que j'aime tant et notre Montparnasse toujours dansait. Comme ici j'avais laissé mon cœur, ah quel bonheur d'entendre tous mes amis chanter en chœur. Dites-nous Joséphine, à quoi rêves-tu dans bien la divine? Dites-nous Joséphine, à quoi penses-tu sur le ciel d'Argentine? Je vous l'avoue partout où je passais. C'est de toi, Paname, que je rêvais. Dites-nous, Joséphine, il est décidé, pourtant qui domine. Dites-nous, Joséphine, devant leur beauté, le monde s'incline. Je suis tout à fait de votre avis. Dans tous les pays, on aime l'origine, mais il n'y a qu'un Paris. Jean-Claude Darnal, le cheval. Dit un jour un vieux maréchal, s'il vous plaît, j'ai un fer qui brinque-balle, remettez-le horizontal. Je sors d'un bal, ah, si vous aviez vu ce carnaval, on n'a rien vu plus de normal, c'est pour ça que mon fer me fait mal. Ah monsieur, lui dit le forgeron, en faisant la réparation, je m'aperçois tout d'un coup que vous parlez. C'est extraordinaire. Au lieu de traîner dans des endroits si douteux, utilisez donc ce don des cieux, vous serez riche et bien heureux. Que peut faire un cheval qui sait écrire et parler? Il peut faire un tas de choses, par exemple s'exhiber. Mais au lieu de se montrer sous le chapiteau d'un cirque, notre animal prépara l'école polytechnique. Et sans mal, comme si tout cela était normal, le cheval passe à l'écrit, l'oral, et décroche à la timbale. L'institut, appelé à donner son point de vue, dut convenir que, puisqu'il était reçu, il ne pouvait être exclu. C'est ainsi que petit à petit, il devint ministre et puis décida de fermer pour la vie les boucheries chevalines. C'est alors qu'on trouva qu'il allait un peu fort, et comme tout le monde lui donnait tort, il retourna dans les champs et ne desserra plus les dents. Et voici le marchand de bonheur, et c'est Dario Moreno. J'ai les quatre saisons pour aller flâner et semer les moissons de baisers. J'ai l'automne et l'hiver, le ciel et la mer, le printemps et l'été pour chanter. Vous êtes des enfants qui vous donnez du mal pour vous aimer et du mal pour pleurer. Mais moi j'arrive à temps, à temps c'est bien normal pour aller réparer. J'ai les quatre saisons pour sécher vos pleurs et changer l'horizon de vos cœurs. J'ai l'automne et l'hiver, le ciel et la mer, le printemps et l'été pour chanter. Je donne à bon marché, de quoi rire de tout, de quoi rire de tout, plutôt que d'en pleurer. sur mon chemin la joie que j'ai donnée. J'ai les quatre saisons pour sécher vos pleurs et changer l'horizon de vos cœurs. J'ai l'automne et l'hiver, le ciel et la mer, le printemps et l'été pour chanter. Je suis le vagabond, le marchand de bonheur. Je n'ai que des chansons à mettre dans les cœurs. Vous me verrez passer, chacun à votre tour. Passer en vent léger, au bon vent de l'amour. La la la la la la la la la la la la la la la. Je suis le marchand de bonheur. La la la. Arc-en-ciel. Et je vous laisse avec Mate Alteri, avec son titre Une musique dans la tête. Et voici le tango et c'est Marie Bizet avec le tango vert. Dans toute la France, le printemps repeint, ormes et bouleaux, chênes et sapins. Un parfum léger dans l'air se faufile, c'est la chlorophylle. Ça trouble la femme, l'homme et le serpent, le hibou des bois et le caïman, le raton laveur, l'oiseau de volière, le chat de gouttière. Le gai printemps a tué l'hiver. Il vient et notre sang bouillonne. Vert, tout devient vert dans l'univers. C'est fou la joie que ça nous donne. Que l'on soit marié ou veuf, on a le cœur tout remis à neuf. C'est du tonnerre, y a des éclairs et tant, tant, tant d'amour dans l'air. Comme les arbres, on sent bourgeonner quand on a 20 ans, le bout de son nez. La sève du printemps monte et nous agace, on ne tient plus en place. Le docteur vous dit, faites attention, le printemps ça fait monter la tension. On est obligé le soir dans sa famille de prendre une camomille. Les jeunes filles aux yeux pervers, la nuit vivent d'étranges rêves. Belle, pour qu'elles voient la feuille à l'envers, un faune en douce les enlève. La forêt a sa crise de nerfs. Le printemps joue du Richard Wagner. Divers pervers, toujours offert. Il y a partout de l'amour dans l'air. Père, c'est le feu vert qui conduit vers. Allez, allez, les amoureux, circulez. Tous les bonheurs de l'univers. Il s'appelle Tino Rossi, Paris. Voici Paris. Paris, Paris, j'aime ton air gavroche et sans détour, j'aime ton luxe et tes faubourgs. Paris, j'aime tes amours, j'aime ton chic et ton esprit. Paris, Paris, en toi le monde entier chante et sourit. Paris, voici Paris. Comme un gros point d'or sur l'obélisque de minuit, la lune rit, voici Paris. Au ciel étoilé, les blancs jets d'eau chantent berceurs, voici Paris, parmi les fleurs. Et ses attraits dans un décor que rien n'égale, sont réunis dans notre belle capitale. J'aime tes jours, j'aime tes nuits, Paris, Paris, j'aime ta joie, j'aime ton bruit. Paris, Paris, j'aime ton air gavroche et sans détour, j'aime ton luxe et tes faubourgs. Paris, j'aime tes amours, j'aime ton chic et ton esprit. Paris, Paris, en toi le monde entier chante et sourit. Paris, voici Paris. Partout sur la terre, aimer est un fruit défendu, ou bien un jeu plein d'inconnus. La femme rougit du fol amant qui se ruina pour la tenir entre ses bras. Pour quelques fleurs, la parisienne brune ou blonde, avec fierté crie son amour à tout le monde. J'aime tes jours, j'aime tes nuits. Paris, Paris. J'aime ta joie, j'aime ton bruit. Paris, Paris. J'aime ton air gavroche et sans détour. J'aime ton luxe et tes faubourgs. Paris, j'aime tes amours. J'aime ton chic et ton esprit. Paris, Paris. En toi le monde entier chante et sourit. Paris, voici Paris. Et puis avec Jean Sablon qui nous dit tout simplement, eh bien, vous qui passez sans me voir. Sans me voir, sans me donner d'espoir, adieu, bonsoir. Arc-en-ciel. Les chansons souvenirs sont sur Arc-en-ciel 96.2 96.2 Arc-en-ciel. Elle s'appelle Lina Margie sur le Côte d'Azur. Une gosse a l'air chagrin, voici d'un, devant ses yeux agrandis et ravis, un décor de paradis. Sur une affiche au ton clair, c'est la mer, des palmiers au bord de l'eau, des bateaux, et dans son âme un slogan lancinant, lui murmure doucement. Sur la Côte d'Azur, toujours le ciel est pur. Il paraît qu'on y danse la nuit, quand la lune luit au bain de minuit. Toi pour griser ton cœur, tu n'as que les couleurs de ce dessin collé sur le mur, sur ta Côte d'Azur. Dans sa chambre sous les toits, pleine d'émoi, elle a posé gentiment, secrètement, une jolie vue de la Riviera et un brin de mimosa, les regardant fixement. bouleversement, elle attend, perdue dans son rêve bleu si joyeux, se disant peut-être un jour, un beau jour, enfin ce sera mon tour. Sur la côte d'Azur, toujours le ciel est pur. Il paraît qu'on y danse la nuit, quand la lune luit au bain de minuit. Moi, pour griser mon cœur, je n'ai que cette fleur. Et ce chromo piqué sur le mur, c'est ma côte d'Azur. Il est trop tard à présent, car les ans ont défilé rapidement, tristement. Le mimosa fatigué cette année, le rêve est abandonné. Dans le Paris du mois d'août, simple et doux, cette dame aux cheveux plats qui s'en va, c'est la gosse d'autrefois qui parfois songe avec un peu d'émoi. Sur la côte d'Azur, toujours le ciel est pur. Il paraît qu'on y danse la nuit, quand la lune luit au bain de minuit. Et moi le cœur vieilli, je traîne dans Paris, car je n'irai jamais, c'est bien sûr, sur la côte d'Azur. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mornes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de bière et de drames aux premières lueurs. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océans. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en plus. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en frottant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse. Sur la panse des femmes, ils tournent et dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire, jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors d'un geste grave, alors leur regard fier, ils ramènent leur bâtard jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent, et qui boivent, qui reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, de Hambourg ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux âmes qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se couchent dans les étoiles, et ils pissent comme ils pleurent sur les femmes infidèles. Dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam. Donc juste un instant avec Amsterdam, avec Simone Langlois. Voici donc Henri Decker, Henri Decker avec Jour de neige. Jour de neige. l'ogive aura mis ses dentelles aux branches du vieux pommier que le vent fait plier. Filez, filez, demoiselles, vos robes de mariée. Voici l'hiver, voici l'hiver qui vient dans son cortège chasser les beaux jours. Mais dans mon cœur, malgré la pluie, le vent, le froid, la neige, chante mes amours. Je vois partout plein de lilas blancs frémir au gré du vent. Et mon amour qui fait fleurir partout des sortilèges, crois voir sur la neige danser le printemps. Printemps, printemps que j'appelle, viens entourir le sentier et fleurir le pommier, afin que les demoiselles soient plus belles en mariée. Voici l'hiver, voici l'hiver qui vient dans son cortège chasser les beaux jours. Dans mon cœur, malgré la pluie, le vent, le froid, la neige, chante mes amours. Je vois partout plein de lilas blancs frémir au gré. Fleurir partout des sortilèges, crois voir sur la neige danser le printemps. Arc-en-ciel. Voici donc Jacques Elion, son titre s'appelle « Ça fait chanter les Français » et puis juste après lui, ce sera quelques chansons portugaises. Ça fait chanter les piétons. Les piétons s'en vont l'air moquette. Ça fait chanter les piétons. fanfarons avec allure. Chanteurs. Les chanteurs vont devant. Vous voulez bien fait. C'est pas plusieurs dimanches. Pour mettre la poule au pot. Il y a du pain sur la planche. Je la goûte à boire là-haut. Minha mãe, é que o amor que eu vivo está diferente. Não há mais paz entre gente. Não sei se fico se não. Minha mãe, não queria preocupar-te com problemas. Mas tenho que a ti apenas para me dizeres que fazer. Minha mãe, eu juro desta vez que vou escutar. Já não vou mais ignorar o que tiveres para dizer. Saber que não fico só. Se acontecer o pior, diz-me que faço da vida. Se parto, se fico, eu preciso de um conselho amigo. Como tu sabes dar mais ninguém. Diz-me se acabo com tudo. Estou perdida, por isso te peço. tens que ser forte e apagá-lo da tua vida. Eu te agradeço que me des os teus conselhos, mas eu sinto que ele ainda está aqui dentro. Deixa-o ir, é impossível voltar atrás, não ficaram lembranças, porque é lutar, ele não te quer, tudo vai passar. Diz-me porquê, se eu daria a minha vida por ele. Não sabes mais, ele não quis saber, nem valorizar teus carinhos, teus beijos, tua paixão. Chers auditeurs, Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-ciel, des étoiles plein la tête. Venez avec moi, je vous emmène en voyage, quelque part là-bas dans mon petit village. Au coin du paradis, c'est ma Gaspésie. On chante, on rit, on aime la vie. Avant minuit, mon encre, j'ai l'outil. Prenez vos guitares, le violon, l'accordéon. Oh, oh, oh. Ce soir, on va oublier tous nos ennuis. C'est comme ça que ça se passe chez moi en Gaspésie. Venez avec moi, je vous emmène. they brought you shame. It was never his intention to let you share his name. The lonely hours you've waited now won't happen anymore. For it's his turn to feel the hurt. He don't deserve you anymore. Let his eyes do the crying. Let his feet walk the floor. Let his heart do the breaking like he's let yours break before. Let his lips do the sighing. Let his heartache start the soul. Let his arms do the aching. He don't deserve you anymore. Voilà donc, il est 16h40, ben, cette musique d'accordéon qu'on va se, de country, qu'on va se quitter, puis juste après, justement, un morceau d'accordéon. Voilà donc, j'espère que tout s'est bien passé l'après-midi, qu'on va se retrouver donc, eh bien, dimanche pour l'accordéon. Et puis d'ici une vingtaine de minutes, eh bien, vous allez retrouver l'émission avec Manuel. Et puis juste après, Albino, à partir de 19h. Voilà donc, eh bien, je vous dis bonsoir à tous et à vous toutes.

Estás nesse canto, não fiques sozinho.